Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Julia Kristeva. Je vais être franc avec vous. Je vous trouve sympathique. Mais votre truc de me faire parler, là, ça me fait marrer, j'y crois pas. On connaît tout ça, les débriefs psy, on y a eu droit, on sait tous quoi raconter pour qu'on nous laisse tranquille. Vous ne pensez pas qu'on peut aller mieux en analysant ce qu'on ressent ? Non. Ok, ok. Je voulais pas vous fâcher. Vous savez comment on appelle la première audition chez nous ? Le PV de chic. On les laisse raconter n'importe quoi, ils mentent comme des arracheurs dedans, on les laisse faire. Et à l'audition suivante, on reprend et on les confronte à leur bobard. Ça me fait un peu penser à vous. On verra bien ce que vous arrivez à prouver à la fin. On verra. Bonjour Julia Kristeva. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Merci Adèle Vanrette. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous avez vu la série En Thérapie ? Oui, je n'ai pas tout vu, mais je la vois, je le regarde fréquemment et mes analysants la regardent avec toute la famille, paraît-il. C'est vrai ? C'est une très belle pub. Bon, certains s'y retrouvent, d'autres pas. Une pub, pourquoi ? Pour la psychanalyse ? Pour la psychanalyse, oui. Oui, parce que comme on sait aujourd'hui, en confinement, on finit par découvrir que les gens ont une vie psychique et qu'il n'a pas de lieu pour s'exprimer. Et voilà qu'on a découvert aussi que le lieu, c'est le divan, c'est le psychanalyste. Et donc, on nous donne une publicité qui est ce qu'elle est. C'est pas forcément ce qui se passe tous les jours et chez chaque analyste, parce que c'est une expérience très singulière, que j'appelle moi une poétique, mais bon, c'est sérieux, c'est engageant, c'est contemporain, c'est lié à l'actualité, il y a des amours et des haines. Et le psychanalyste n'est pas au repos, il souffre aussi, enfin tout ça dit des choses intéressantes. Dans l'extrait qu'on a entendu donc de cette série diffusée sur Arte en ce moment et créée par Éric Toledano, Olivier Nakache, Vincent Pomiro et David El-Kaïm, on a ce personnage joué par Reda Kateb qui est un personnage de flic et qui comprend pas trop au début à quoi sert un analyste justement, et il dit mais voilà comment nous on procède, et il a l'impression de lui-même d'être face à un flic. Est-ce que parfois le psychanalyste joue le rôle d'un flic ? Ben écoutez, moi je n'ai jamais été dans cette situation et je ne me considère pas comme un flic. J'espère que mes patients analysants n'ont pas les mêmes impressions que ce patient de la série télé. Ça s'appelle thérapie, téléthérapie, on va dire. Mais ce qui me paraît universel, c'est qu'il projette sa propre expérience sur un cadre qui est en principe vierge. L'analyse est un cadre dans lequel on vient chercher ce qu'on ne sait pas de la part de quelqu'un qui est supposé entendre. Et c'est extrêmement vaste, mais ça repose sur un contrat qu'on appelle le contrat analytique et qui va devenir un transfert. Transfert de quoi ? De ce qu'on a appelé énamoration. Tout ce qu'on a subi dans la vie comme épreuve, comme trauma, comme angoisse, mais comme plaisir aussi, va se projeter dans cette mutualité qui est le cadre analytique. Alors, il y a quelque chose qui diffère de la pratique du flic, fondamentalement, c'est que notre éthique est une éthique, on va dire, fondée sur la suspension. On suspend deux choses, le jugement et le monde. Et à partir de là, dans cette éthique de suspension, on les met entre parenthèses, comme on dirait chez les philosophes, nous sommes. Exactement, c'est ce que Husserl dit, hein, la suspension du jugement et du monde pour la philosophie. Exactement, comme en philosophie, pour garder un principe que Freud appelle aller là où ça a été. Donc chercher l'origine, la base, le temps perdu du traumatisme, de la blessure, de l'angoisse, du désir, aller là où c'était. Et ça c'est la direction. Et deux principes, le principe du plaisir et le principe de réalité. Et on oublie beaucoup cela dans, dans la question d'aujourd'hui, dans l'étouffement de la politique et du discours médiatique, que l'être souffrant, l'être parlant, l'être travaillant est habité par désir et réalité. La sexualité n'est pas la porno, mais ça passe par l'excitation. Les adolescents qui se tuent dans les bandes dont on parle sont sous l'effet d'une explosion érotique propre à l'adolescence. Et toute cette dimension est pleine de résonances psychiques et idéologiques auxquelles on doit répondre. Donc l'analyste est là dans un croisement entre le biologique et le psychique, entre la vie et la mort, entre le je ne sais pas et je veux l'absolu. Et c'est quelque chose que dans l'ancien temps où on s'intéressait beaucoup aux sciences et moins à la police peut-être, on appelait l'archéologie. Le psychanalyste était quelqu'un qui cherchait dans le passé à reconstruire l'architecture de la personne. Donc maintenant on est dans le surveiller et punir et la société a besoin de repères. Donc c'est assez intéressant d'avoir confronté un flic à un psychanalyste. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose, même si il y a enquête. J'essayais de vous dire en quoi deux enquêtes sont différentes. Mais ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, la psychanalyste que vous êtes et qui êtes face à vos patients ou derrière eux lorsqu'ils sont allongés. Comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on exerce son métier dans le cabinet? Mais écoutez, comme je vous l'ai dit en commençant, il n'y a pas de modèle. C'est vrai que nous sommes tous les analystes, comme toute personne, vous et moi, des êtres politiques et nous relevons de la société dans son moment historique avec les savoirs qu'elle a. Donc on emprunte aux sciences humaines, on emprunte aux sciences biologiques quand on explique ce qu'on fait. Et vous me demandez d'expliquer, de donner des modèles. Et nous le faisons parce que c'est comme ça qu'on transmet aussi, c'est une manière de se faire connaître. Mais l'expérience de l'analyse est quelque chose qui ne peut pas se résumer. Je ne peux pas vous donner un schéma, un modèle, puisque c'est une poétique. Mais la qualité principale, c'est quoi? C'est l'écoute ou c'est l'analyse? Alors, l'écoute, mais vous écoutez avec quoi? Avec vos oreilles. Moi, j'écoute avec la chair des mots. Donc, je cherche les mots, je mobilise les mots qui, chez moi, comme analyste, sont soutenus par des émotions, par l'excitation, par des pulsions. Et cette vibration psychosexuelle qui est dans l'écoute, j'essaye de la percer, d'entrer en empathie avec ce que les patients me racontent, ce que les mots des patients véhiculent. Donc il y a une sorte d'identification osmotique qui est la base de cette mutualité, de ce transfert. Mais si on en reste là, on se noie. Donc il faudrait qu'il y ait aussi en même temps une distanciation. Je me tiens dans l'autre, je suis l'autre, j'écoute. Et avec ce que je connais de l'histoire de la psychanalyse, mais aussi de ce que Proust ou Dostoïevski m'ont appris, de ce que l'histoire de l'humanité nous a appris, la psychanalyse hérite de l'évolution des sciences humaines. Donc j'essaye de me faire une interprétation que je communique ou non. Et quand est-ce que vous décidez de la communiquer ou pas? Ben, là aussi, c'est une question de infinitésimal ajustement à l'autre. Il faut qu'il soit prêt à entendre ce que vous dites. Il faut que j'ai l'impression qu'il est capable de pouvoir entendre, que même si parfois j'ai peur qu'il ne puisse pas entendre ou qu'elle ne puisse pas entendre, ou je lui dis comme on jette une bouteille à la mer et je me rends compte qu'il refuse ou qu'il accepte ou qu'il découvre quelque chose ou qu'il au contraire se défend, mais néanmoins la réaction de l'analyste est le repérage de ce voyage. Et je suis dans une société de psychanalystes qui s'appelle la Société Psychanalytique de Paris, la SPP, où l'interprétation est un sujet de discussion, d'affinement, et ne consiste pas seulement à relever un mot, faire des scansions ou de se taire. Il est vrai aussi que le silence est une forme d'interprétation, mais il y a des analyses qui ne se limitent pas au silence. Donc c'est pour rassurer nos auditeurs pour qu'ils ne pensent pas qu'ils vont se retrouver devant un mur. C'est ce dosage entre le silence, l'interprétation, je dirais passionnel, empathique et en même temps ajusté, qui est une véritable écriture. Je ne pourrais pas la comparer à autre chose qu'à l'écriture où on cherche le mot juste et l'adéquation avec un fantasme et avec la possibilité de le transmettre. Mmh. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, n'a pas échappé à Freud parce qu'il disait que les écrivains l'ont accompagné dans cette voie particulière. Et puisque ce qu'on cherche, c'est ce que je disais dès le début et qui me semble abandonné un peu dans la représentation médiatique des drames de l'actualité, c'est le principe de plaisir, c'est la sexualité. Mais le rapport au langage est toujours sexuel ? Alors, la sexualité, pour la psychanalyse, est dénaturée. Ce qui veut dire que c'est des pulsions, mais les pulsions sont des frayages hormonaux ou électriques, donc c'est quelque chose de biologique et de neuronal, mais chez l'être parlant, c'est toujours accompagné d'un certain sens. Donc cette hétérogénéité sens et biologie, sens et sensible, fait que l'objet, le médium de la psychanalyse passe par le langage, mais ce qu'on entend dans le langage, c'est une relation à l'autre et le sens qu'on donne à cette relation. À l'autre en général. L'autre en général, mais ça peut, ça dépend. Là, le patient dont vous parlez a parlé de son expérience du Bataclan. Il a parlé de son père. Oui, parce que la série en thérapie, il fait introduire. Se situe après les attentats du 13 novembre. Voilà. Donc c'est un policier qui est intervenu lors des attentats et qui raconte ce traumatisme. Il raconte ses traumatismes. Donc il introduit l'altérité de la société dans laquelle il vit, mais c'est une altérité qui lui est proche. Donc dans une proximité intense avec l'altérité du monde. Mmh. C'est ça qu'ils nous racontent dans leur vie, qui peut être politique, mais qui peut être familiale. Il y a l'altérité de la mémoire infantile. Et il y a l'altérité de la relation qu'ils peuvent imaginer avec nous. Puisque en donnant une parole, ils établissent une intimité qui confie avec méfiance ou confiance, et se crée en plus avec la transparence qu'on a aujourd'hui, à savoir qu'on connaît tout de tout le monde par Internet. Ou on croit connaître. On se fait une idée de du psychanalyste, et le fantasme s'accroche à cette idée qu'on se fait. Donc on est dans ce que j'appelle moi un multivers, on n'est pas un multivers, mais il y a l'hétérogénéité de chacun et la complexité du patient et de l'analyste, qui fait que ce qui nous conduit, c'est cette capacité que l'analyste peut avoir de s'accrocher, de percer le trauma, la faillite, la faille, le désir d'angoisse ou le désir érotique, et à partir de là, de conduire la personne à créer de nouveaux liens, et qui est la capacité de créer, en fait. Le but de l'analyse, quand on nous demande mais à quoi ça sert, et le jeune homme dit mais ça sert à rien, c'est de pouvoir traverser ces traumas pour créer de nouveaux liens et pour découvrir finalement de quel sexe on est. Parce que, comme je le dis dans la conclusion de ma trilogie sur le féminin, le génie féminin, chacun invente son sexe dans son intimité. Là, vous parlez de sexe et pas de genre. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la théorie de genre qui est intéressante et qui montre la difficulté qu'on a aujourd'hui de défendre une identité, quelle qu'elle soit. Toutes les identités sont mises en cause, et l'identité sexuelle aussi. Mais on parlera peut-être de cela tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cette ce que j'appelle la créativité que l'analyse permet d'établir chez l'analysant, c'est de sa singularité, de se découvrir comme différent et de la famille et des projets qu'on fait pour lui et du cadre social et d'apporter une créativité spécifique dans ce domaine. Et j'appelle ça le génie de chacun. Les moments de grâce d'un analyse, c'est le moment où la personne se découvre singulière et capable de le dire et de faire quelque chose d'intéressant pour elle et pour les autres. Donc, c'est pour ça que je répète ma conclusion. Chacun découvre son sexe dans son intimité, étant donné qu'il y a une bisexualité psychique à la base pour chacun. Et à partir de cette bisexualité psychique, je fais des combinaisons diverses et variées avec mon partenaire qui a un féminin et un masculin qui ne sont pas les miens. On est au moins quatre dans la partie. Ah oui. Au moins. Et donc la composition pas seulement des gestes érotiques et des situations qui peuvent concerner les zones érogènes diverses et variées, mais l'accompagnement psychique de ce mouvement est diversifié, complexe, et c'est en cela que consiste justement cette traversée des identités et la capacité créative dont s'honore la psychanalyse de les rendre possibles pour les analyser. Et cette attention que vous portez au langage et au désir qui est exprimé à travers le langage, est-ce que ça n'a lieu que dans votre cabinet d'analysant? Est-ce que là, lorsque vous m'écoutez parler, vous avez cette analyse qui vient? Moi, j'essayais quand je suis dans la société, aujourd'hui avec vous, on est dans un cadre social, je range mon Sigmund dans ma poche. Mais ça, c'est facile, vous avez un bouton, vous appuyez sur un bouton et oui, on off. Oui, on apprend ça parce que procéder à une écoute analytique de tout un chacun qui ne le demande pas peut être un acte très intrusif et très violent. Donc, vous m'avez pas demandé. Ah non. Non, donc je le fais pas. Vous savez pas dire que vous le faites pas dans votre tête. C'est ça que je veux peut-être dire. Peut-être mon inconscient le fait, et puis peut-être en finissant l'émotion de la séance que nous avons maintenant, je me dirais. Mais qui analyse Adèle, qui alors? Et ceci ou cela, mais pour l'instant, non, Sigmund est dans ma poche. Et vous pourriez être analysé maintenant? Par vous, oui. Ah bon? Oui, je pense, si vous le souhaitez. Mais en fait, ce sont des métaphores et des à côté, comme ça, un peu ludiques, qu'on se lance maintenant. Non, le pacte analytique est quelque chose de très sérieux. La personne s'adresse à quelqu'un quand elle a épuisé toutes les ressources d'être comprise. Et comme je le disais, pour commencer, elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Ouais. Elle sait qu'elle est habitée par un inconnu qu'il lui faut mettre en mots. L'inconnu, c'est elle-même, c'est la personne. L'inconnu en elle-même, quelque chose d'inconnu en elle-même ou peut-être elle dans son ensemble, mais qu'elle a vécu. Il y a quelque chose, un X qui la travaille, qui l'angoisse ou qui l'excite ou qui lui fait défaut, qu'elle n'arrive pas à nommer. Elle veut mieux le connaître. On appelle ça sonder l'identité. L'appareil psychique, la sexualité, l'entourage, etc. Et elle s'adresse à quelqu'un auquel elle fait confiance. C'est là qu'on trouve une autre dimension qui m'a beaucoup intéressée. C'est le pari qui consiste à investir l'autre. Et investir, mon maître benveniste, qui est un grand linguiste et qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Le vocabulaire des institutions européennes », nous montre comment cette notion d'investir relève du sanskrit « cred, strad », qui donne le credo. Ça veut dire « je me donne ton cœur en attente de récompense ». Et la récompense est une autre vie. Il y a de ça qui se passe dans le transfert. Mmh. Donc il y a une forme de besoin de croire dans l'expérience en cours, dans le transfert et par conséquent dans la personne de l'analyste qui est vécue évidemment avec ce qu'on en connaît dans la société, mais qui se recrée à partir des investissements que je fais, des projections que je fais, etc. Et ça reste néanmoins, ce multivers reste très solitaire. C'est Bion, je crois, qu'il a dit que l'expérience de l'analyste est un acte extrêmement solitaire parce que nous n'avons pas d'autre compagnon que le patient qui est par définition un compagnon peu sûr. Et donc cette solitude, on l'assume Et on peut se demander si c'est tellement solitaire, pourquoi on fait ça? Quel plaisir dans cette solitude. Mais je crois justement parce que ça permet de continuer sa propre analyse et d'une certaine manière d'ouvrir son esprit à celui des autres et à partir de cela, tout ce qui nous entoure dans le moment où nous vivons ou dans les années qui nous sont données à vivre. Mais aussi justement parce qu'on est animé par une éthique dont je disais tout à l'heure quelques éléments et qui sont très différents du moralisme, des normes. Ce n'est pas une éthique des normes, on ne juge pas. Le jugement et le monde sont mis entre parenthèses. On ne juge pas s'il est gay, handicapé, criminel, infidèle, dans le bien ou le mal, etc. Il n'y a pas de jugement. Il y a la singularité de la personne qui se présente et on essaye de voir quelles sont ses capacités de plaisir et de réalité à partir desquelles on va travailler ensemble pour créer d'autres variantes oui. et d'autres possibilités. Mais une chose est de dire qu'on ne juge pas, une autre est d'y parvenir. Vous êtes comme tout le monde, quelqu'un qui juge spontanément. Comment on fait pour apprendre à ne plus juger? On se met en suspension. Oui, mais... On écoute. Comment ça se passe? Mais ça se passe... C'est-à-dire, idéalement, on ne juge plus, mais... Il y a le contre-transfert où il me fait penser à ma mère inconsciemment et je vais me débarrasser de son emprise et je ne sais pas comment faire ou je dis des choses qui ne le concernent pas et qui sont pas bons pour lui ou pour elle, l'analyste, mais qui sont bons pour moi. Et c'est pour ça que on fait des supervisions, on voit dans le film, on voit ça aussi. Dans la série En thérapie, on voit que le psychanalyste demande à revoir la personne avec qui lui-même avait été en analyse. Comme pour être c'est contrôlé. Pas tout, ça se fait pas comme tout à fait comme ça dans les différentes sociétés, ça se fait différemment, mais on appelle ça supervision où les gens qui apprennent l'analyse font déjà ça d'une manière obligatoire, on va dire dans la formation, on voit un analyste plus expérimenté, on raconte l'analyse qu'on fait avec quelqu'un et l'analyste guide la personne en lui montrant les états projectifs ou de jugement intempestif qui sont pas désirables. Mais il y a aussi ce qu'on appelle maintenant aussi dans notre société l'intervision. On se rencontre entre analystes et on parle de notre expérience les uns aux autres en donnant des exemples de nos difficultés ou de nos étonnements dans le travail qu'on a avec nos analysants et qui nous permettent d'être plus souples et plus attentifs. Avant de devenir psychanalyste, vous aviez un premier amour, Julia Kristeva, il s'agit de la littérature, de l'objet littérature, et vous avez assisté au séminaire de Roland Barthes. Nous avons une étudiante, enfin une chercheuse qui s'appelle Julia Kristeva, qui a déjà publié des textes dans Critique et dans Tel Quel, qui vise à trouver un langage critique entièrement formel, de façon à ce que ce langage critique formel ne se compromette pas, en quelque sorte, dans les logiques périmées de l'œuvre. Vous écoutez France Culture, le chemin de la philosophie, cours particulier ce matin en compagnie de Julia Kristeva, on parle de psychanalyse et de littérature. Vous aurez reconnu la voix de Roland Barthes, c'était une archive du 13 octobre 1967. Roland Barthes qui parle de vous, vous étiez très proche je crois Julia Kristeva. Oui, Roland Barthes était quelqu'un qui m'a beaucoup appris et je suis arrivée en France au mois de décembre 65. On m'a indiqué son séminaire. Vous êtes née en Bulgarie. Hein. Je suis née en Bulgarie. Je suis venue avec une bourse pour faire une thèse sur le nouveau roman. Donc j'étais littéraire et je le suis toujours d'ailleurs. Et le premier séminaire de l'université française, ou plutôt de l'école de hautes études que je visitais à la veille de Noël, c'était le séminaire de Roland Barthes. On est devenus très amis. Il m'a demandé je lui ai exposé mon désir de travailler sur le nouveau roman et il m'a demandé ce que je lisais et c'était le moment où on découvrait en période de dégel l'œuvre de Mikhaïl Bakhtine qui a interprété Rabelais et Dostoïevski. qui d'ailleurs me préoccupe encore aujourd'hui. Oui. Je viens de publier dans la collection de Buchet-Chastel, Les auteurs de ma vie, un livre consacré à Dostoïevski, et j'ai essayé de lui dire ma vision de l'œuvre de Dostoïevski comme un langage polyphonique, tel que le décrit Bakhtine. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de tirades, si vous vous souvenez, des personnages de Dostoïevski dans Les démons ou dans Les frères Karamazov, où il parle de philosophie ou de tel ou tel sujet personnel, voire criminel. Mais ces tirades sont tressées de contradictions, d'analyses, de retour sur soi, d'une espèce de polysémie qui font que, généralement, la critique française très cartésienne trouve ça très russe, très slave et incompréhensible. Et Bakhtine a donné le fin mot de l'énigme en disant que ce genre polyphonique remonte avec l'origine du roman, du carnaval européen et des satires qu'on appelait des satires manipéennes, où justement les contraires se réunissaient, où le clown devient roi, où le roi devient fou, et tout le positif et négatif, cette espèce de mélange des genres et de complexité du raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'il est confronté au corporel, au charnel, aux pulsions, explose, mais peut se dire. Donc voilà, c'était mon départ, dont je ne savais pas qu'il était aussi implicitement psychanalytique, parce qu'en Bulgarie, on ne lisait pas Freud. Et on a découvert avec ma sœur, quand mes parents sont morts, et on a ouvert la bibliothèque, au dernier rayon, la troisième rangée au fond contre le mur, l'interprétation des rêves de Freud à côté des romans de Dostoïevski. C'était romanesque, il fallait y penser, parce que mon père les lisait beaucoup, mais il fallait pas les donner à ses filles, parce que on devenait des ennemis du peuple. Même si c'était le dégel, on ne passait pas par là. Et plus tard, néanmoins, on a découvert Bakhtine et il y a eu un peu plus de possibilités de lire ces choses-là. Mais pas Freud. Et donc, pour revenir à Barthes, il a beaucoup aimé cette ouverture du langage vers sa polyphonie qui faisait explosion, faisait contradiction, si on peut dire, par rapport au structuralisme qui voulait tout encadrer dans des schémas plutôt simplistes et binaires, à mon sens, même si il y a toujours beaucoup de choses à apprendre dans la démarche structuraliste. Et je suis devenue, grâce à lui, une des ancêtres, on peut dire, du post-structuralisme, en mettant en connexion la structure d'un texte avec le contexte, mais aussi en l'ouvrant à l'inconscient freudien. Alors justement, est-ce qu'on peut analyser, psychanalyser un texte littéraire comme on analyse un patient ? Pas de la même façon. Parce que vous avez cité, vous avez travaillé sur Dostoïevski, vous avez fait un grand travail sur la recherche de Marcel Proust, justement. On a l'impression que vous procédez de la même façon, vous essayez de faire ressortir l'inconscient du texte. D'une certaine façon, parce que ce qu'on connaît, par exemple, de Proust ou de Dostoïevski, c'est bien sûr d'abord leur texte et aussi beaucoup de choses sur leur biographie. Nous n'avons pas la personne sur le divan et il ne se met pas en relation intime avec nous pour que j'entende la vibration de sa voix, l'hésitation de sa syntaxe, le souffle de ses poumons et puis toute ce que j'appelle la chair des mots avec lesquels l'analyste travaille aussi, s'il est christévien. Bon, parce que ceux qui christévien, il y a une école christévien. Ah ben, j'ai pas une école, j'ai horreur des écoles, mais je transmets cette idée-là. Et comme vous avez la gentillesse de me le montrer, vous avez un gros livre qui vient de paraître. The Philosophy of Julia Kristeva, c'est un ouvrage énorme. C'est un ouvrage de 800 pages qui est publié par l'Université de Chicago et Open Court. Open Court d'entre eux. Et vous rejoignez dans cette collection les plus grands noms, John Dewey, Albert Einstein, Karl Popper, Hilary Putman, Umberto Eco, et donc voilà, le dernier ouvrage en date dans cette collection, c'est oui, vous. Oui, mais alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que j'ai d'abord le plaisir et la comment dire, l'obligation et de me mettre à la hauteur, peut-être pas de ces personnes, mais de l'attente que le lecteur nourrit pour la philosophie d'aujourd'hui et ses ramifications et ses modifications, puisque parmi les Français, nos amis américains n'ont choisi que Sartre, Ricoeur, et peut-être pour faire contrepoids à Sartre, Gabriel Marcel, ouais. Il fallait une femme, c'est moi. Mais c'est une vision de la philosophie que l'éditeur défend, qui appelle philosophie la capacité de penser telle qu'elle se construit aujourd'hui au croisement des sciences et dans ce qu'on appelle la déconstruction de l'ontothéologie. La déconstruction comprise bien sûr dans le sens nietzschien de déconstruction des valeurs, de mise en question, transvaluation des valeurs, mais aussi dans le sens qui est davantage proche du mien parce qu'il rejoint Freud, celui de Heidegger, au sens de Verwindung, c'est-à-dire d'appropriation des valeurs et de transformation, de tournure, retournement, qui fait penser à l'expérience analytique, justement. On s'approprie des valeurs et on les retourne en soi. Ça fait penser à la teshuva de la Kabbale et de la Bible. C'est-à-dire une expérience de retournement, non pas d'éradication des valeurs, mais de table rase, mais de retournement, appropriation et renouvellement. J'insiste à dire ça parce qu'on entend beaucoup dans les médias maintenant, on est dans une situation où on a l'impression que tout s'écroule avec la politique et le vivant, et il n'y a plus de lien. La notion de déconstruction, de transvaluation est souvent diabolisée comme du nihilisme. Ce que ça peut être aussi, ça peut être aussi une politique politically correcte dans certaines universités américaines, mais le fond de la démarche qui a été soutenue et par Heidegger et par Derrida en France, et nous sommes de la génération qui a connu ce travail, c'est ce justement retournement des valeurs de l'ontothéologie. Et Freud ne dit pas autre chose dans son appropriation de l'éthique, de la morale devenue éthique, dans la suspension du jugement et dans le fait de donner un sens de réalité et un sens au plaisir. C'est quelque chose qui est inscrit dans la prise de position de l'analysant dans la société, mais qui lui permet de ne pas se fixer à une identité et un dogme, mais de les mettre en question. Et c'est quelque chose qui nous habite aussi beaucoup maintenant, lorsque, avec le confinement, l'analyse est distancielle ou présentielle. Oui, parce qu'alors, en confinement, vous pouvez procéder à des séances d'analyse à distance, par téléphone. Mais ça change tout, non? Ça change beaucoup de choses. Et moi, j'étais souvent, au début, assez hostile, parce que ça introduit une espèce d'obstacle, de technique, de refroidissement de la chair des mots, en quelque sorte. Ça peut libérer aussi, non? Et voilà, et ça peut libérer. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que le téléphone, dans ce cas-là, n'est plus un obstacle, c'est une membrane. On écoute avec ses passions, ses pulsions, ses traumas. On dit des choses qu'on n'a jamais dites, des choses qui étaient honteuses et le corps ne pouvait pas porter. Je suis pas face à vous. Ouais. Et qui ont été dites pour la première fois. Mais des agressivités aussi. Et qui ne peuvent pas être dites, mais qui se disent au téléphone et qui soulagent. En tout cas, l'idée est de ne pas se priver de cet outil, mais aussi de ne pas abandonner non plus la présence réelle, puisque le passage d'un espace à l'autre, la rencontre avec l'analyste, la mobilisation de tous les sens, fait partie de l'expérience analytique. Et moi, je tiens beaucoup à ce que les deux approches coexistent. Mais pour revenir à Freud, dans cette déconstruction de l'ontothéologie, je pense que la position freudienne s'inscrit dans ce mouvement. Ça doit intéresser les philosophes et vous savez que c'est le cas. Et il faudrait comprendre la psychanalyse comme faisant partie de ces hauts lieux de la pensée gréco-judéo-chrétienne qui ne s'achève pas, mais s'ouvre à la vie du monde à travers cette expérience très singulière où on met la personne au centre. Oui. Alors, parmi vos objets de recherche, on a parlé de la littérature, de Dostoïevski, de Proust. On trouve ici une trilogie dans vos livres, une trilogie sur le génie féminin, dans laquelle il y a un ouvrage consacré à Arendt, un autre à Mélanie Klein, dont vous étiez venu parler à ce micro, et le troisième à Colette, vous qui êtes attentive à la chair du langage, écoutez. Un sens à la vie ? Est-ce qu'on a le temps d'en découvrir ou alors d'en créer un ? Je crois que, en ce qui me concerne, la vie a pris assez tôt l'habitude de me malmener un peu rudement et, ma foi, au risque de me faire considérer comme un animal passif. Je n'ai pas eu grand-chose à faire d'autre qu'à me laisser faire. Qu'est-ce que vous entendez quand vous écoutez Colette, Julia Kristeva? Écoutez, je crois qu'il faut lire Colette, parce que sa voix, et avec son accent bourguignon, l'archaïse. Elle la rend très sympathique, on écoute le sens, bien sûr. Vous avez raison, c'est très différent de la voix qu'on a en tête quand on lit ses ouvrages. Voilà. Et la voix qu'on entend dans les ouvrages est universelle. Par sa singularité de cette femme que j'ai choisie parce que les féministes américaines m'ont souvent dit mais vous avez parlé de Proust, de Dostoïevski, de Freud, mais pas tellement des femmes. Et pourquoi vous ne faites pas un livre sur le féminisme ? Mais moi je suis habitée, je passe un peu en arrière dans ce qu'on a dit, par un moment très important de notre ontothéologie où la valeur est devenue la singularité. C'est Dan Scott. La singularité de Dan Scott, l'Echeitas, la vérité est dans cet homme-ci, dans cette femme-là. Et ce souci pour la singularité m'a conduite à m'intéresser à non pas donner un livre sur le féminisme, mais à montrer comment la société que le féminisme aspire à créer est la reconnaissance de la singularité. Chaque femme possède sa créativité et au lieu de parler de toutes les femmes, comme on a parlé de tous les bourgeois et de tous les prolétaires et de tout le tiers-monde, de donner la créativité, des exemples de créativité singulière. Oui, et vous dites que Colette est celle qui incarne, enfin c'est l'incarnation littéraire d'une victoire sur la fatalité féminine. Voilà, et notamment sur la dépression. Parce que généralement, les femmes qu'on entend beaucoup, et encore maintenant, elles ont raison de se faire entendre, c'est la femme victime, la femme violée, la femme incestuée, la femme qui proteste, la femme qui est mal dans sa peau, mais qui en écrivant va retrouver une autre actualité. Et je suis tout à fait d'accord pour que chacun le fasse à sa façon. Mais Colette est une des premières, contrairement à Virginia Woolf, j'ai hésité de la prendre dans ma palette, elle a vaincu cette dépressivité, tout le monde sait qu'elle a failli mourir quand Willy l'a trompée, qu'elle est tombée malade, sa mère est venue. Après, elle a passé par une affection intense pour une autre femme, donc homosexualité féminine, pour continuer et faire s'épanouir son œuvre dans la chair du monde. Ce qu'elle appelle la chair du monde, c'est-à-dire les fleurs, les animaux, le coucher de soleil, tout ce qui parle à la sensualité, et jusqu'aux bêtes, évidemment, et pas seulement les chats et les chiens qu'elle adorait, mais les serpents, les monstres, et jusqu'à la monstruosité. Quelqu'un disait pour elle que si elle n'était pas un monstre, elle ne serait rien. Donc il y a toute cette dimension de Colette qui est de se livrer dans son universalité humaine, qui n'est pas régionale, qui n'est pas seulement française, et qui, quand je faisais des cours sur elle aux États-Unis, on la prend pour une écologiste maintenant. Il y a cette dimension aussi. Mais ce qui m'intéresse essentiellement, et on arrive au moment d'aujourd'hui, c'est sa vitalité. Bah, elle a cette phrase géniale, elle dit « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». Mais je la cite souvent parce que ce qui l'intéresse, c'est l'éclosion. Elle dit que la mort ne l'intéresse pas, c'est une banale défaite. La naissance, c'est le moment important. Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. Je fais graver ce mot sur ma tombe à l'île de Ré. C'est vrai ? Oui. Non, mais ce qui l'intéresse, c'est l'éclosion, c'est-à-dire la vie. Et Freud, dans le malaise de la civilisation, a dit cette phrase magnifique que j'ai utilisée l'autre jour. Parce que dans ce moment de confinement, la International Psychoanalytic Association fait beaucoup de Zoom. On parle de la psychanalyse en temps de confinement. Et je vous renvoie à notre site, à mon site, oui. où je parle de ce sujet avec Dominique Scarfone et notre présidente de l'IPA, Virginie Ongar, qui est une analyste argentine. Freud dit, je vais vous donner une formule brève de ce qu'est la civilisation, c'est le combat de l'humanité pour la vie. Alors, on n'attend pas ça de Freud, parce qu'il parle beaucoup de la pulsion de vie, de l'éros, mais beaucoup de la destructivité. Et il passe pour être un homme plutôt triste, ce qui n'est pas faux. Mais cet engagement, cette poussée de la civilisation vers la vie, une civilisation se caractérise par ce qu'elle peut faire pour la vie, est quelque chose de particulièrement saisissant. Mm-hmm. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la vie où, pour la première fois, la politique, parce qu'il n'y a pas de religion qui s'intéresse d'habitude à ces choses-là, est confrontée à la mort, où le discours collectif, la communication est confrontée à la mort. Et Colette, par des chemins très personnels, dont la dépression, a été un chantre de la vie. Évidemment, elle était facilitée par la Belle Époque où il y avait une excitation d'une société qui s'industrialisait et qui voyait l'avenir devant elle. Mais pendant la guerre son ami Goutke a été aussi sous pression dans le contexte de l'antisémitisme, et malgré ses ambiguïtés à cet égard, elle a été toujours fascinée, poussée vers le fait de transmettre à ses lecteurs un éclair de vie, une fleur, une éclosion. Et c'est quelque chose qui avec lequel elle va rester, je pense. Mm-hmm. C'est l'écriture comme renaissance, comme recréation de soi. Mais vous parliez de la psychanalyse de la même façon. Oui, oui, je pense que c'est... Si on ne parle pas de ça, on arrive à une obsessionnalisation de la cure, que le psychanalyste blanc, obsessionnel, ressasse et enferme son patient dans une sorte de sérieux, sans doute nécessaire, mais sans ouverture. Moi, je suis justement dans cette idée de la transvaluation qui est ouvrante et qui... Renaître à soi, au fond. Renaître à un soi qui est infini. À soi, se construire comme un multivers. Et j'étais impressionnée, mais je ne sais pas si ça va durer. Quelqu'un que je connais un peu parce qu'il est aussi écrivain, Bruno Le Maire a dit l'autre jour, on lui demandait qu'est-ce que le macronisme, et c'est enfin quelque chose en quoi je me suis reconnue, je ne sais pas si tous les politiques vont se reconnaître, c'est de demander à chaque Français de s'exprimer. Moi, je demande à chaque analysant de se trouver lui-même. Si le politique... Ce serait une conception macronienne de la psychanalyse? Ben, c'est la conception de Bruno Le Maire et j'espère qu'elle trouvera une traduction politique, je vois pas laquelle. Mais en tout cas, ça me parle. J'insiste là-dessus parce que votre émission est philosophique et j'insiste sur cette, legacy, message de notre civilisation parce qu'on n'ose pas parler de notre civilisation. Moi, en tant que française d'adoption et amoureuse de l'Europe, je pense qu'on n'est pas assez fier de l'héritage gréco-judéo-chrétien. Et dans l'heure où on se trouve maintenant, et que le confinement aggrave, mais c'est l'évolution des techniques et la globalisation qui porte ça, c'est-à-dire des heurts identitaires, les blancs contre les noirs, les victimes contre les bourreaux, les incestués contre les incestuants, etc. On arrive à une sorte de victimisation et de destructivité qui ne sont pas de mise. Alors que dans ce travail qu'a parcouru la philosophie gréco-judéo-chrétienne et qui passe par la phénoménologie, par la transvaluation, par le retournement, par l'analyse de la personne, pas la personne telle qu'elle est, nous avons hérité du christianisme de Saint Thomas et de Duns Scott, mais en passant par là, la déconstruction, reconstruction, la survivance de la personne, moi je me reconnais parfaitement là-dedans et je pense que c'est notre message à la globalisation, message européen. C'est fragile, mais il n'y a pas d'autre moyen de résister à la destruction écologique et à ce binarisme qui se pose et qui détruit ce qui reste des démocraties. C'est l'analyse, vous dites, la solution ? C'est la singularité analysante, le culte de la singularité. La personne, on peut dire, pour moi, c'est le singulier. Donc c'est contre le communautarisme, c'est contre le communautarisme. C'est forcément où les singularités créent des communautés. Je travaille à la maison des adolescents avec des jeunes qui sont tentés par le djihad et je sais l'importance de la communauté. Mais la communauté de singuliers qui sont capables de mettre en question leur singularité et celle de la communauté. Et c'est ça que l'école doit transmettre. En principe, elle le fait, mais pas assez. Et il faudrait peut-être que chacun ait, quand on est en difficulté, quand on est enfant ou adolescent en train de se radicaliser ou en train de se gangstériser, de trouver un étayage par un tuteur ou par un accompagnement, en tout cas psychosexuel, de manière à continuer cette philosophie au concret, dans la vie. Donc le psychanalyste est le relais entre la philosophie et l'individu et en droit et dans un monde idéal tout le monde devrait se faire analyser. Non, pas forcément ceux qui peuvent l'analyser, mais ça peut passer par un travail psychosexuel plus collectif. C'est quoi un travail psychosexuel ? Mais par exemple, nous avons à la maison des adolescents, qui est une section de l'hôpital Cochin, et que dirige mon ami le professeur Marie-Rose Moreau, dont je vous ai donné le livre que nous avons fait ensemble. Grandir, c'est croire, c'est le livre que tu avais écrit. Je faisais un séminaire, c'est mon dernier séminaire avant de quitter l'université en tant qu'émérite, sur le besoin de croire. Et on a déplacé ce séminaire à la maison des adolescents avec le personnel soignant, mais c'est ouvert aussi aux psychanalystes, aux sociologues. Il y a beaucoup de gens qui viennent une fois par mois le mardi. Et maintenant, ça passe par Zoom. Il y a une équipe interdisciplinaire et interculturelle avec des hommes et des femmes qui reçoivent des jeunes et qui les reçoivent, reçoivent aussi des candidats au djihad. Ils les mettent à l'aise, les gens commencent à raconter leur vie, on ne leur explique pas que leur engagement dans une religion est une bêtise ou quelque chose d'inacceptable pour les républiques. On essaye de voir quelle est leur blessure, leur trauma, c'est ce que j'appelle l'accompagnement psychosexuel. Vous voyez que ça ressemble à une analyse, mais c'est une analyse qui est adaptée à une situation particulière. C'est une conception de la vie commune. D'ouvrir la personne à ses souffrances, de le reconnaître et de lui permettre d'exprimer ses agressivités et ses créativités. Un exemple, une jeune fille qui partait au djihad et les parents ont fini par la convaincre de venir, se disait très rétive à la philo et aux lettres parce que c'est le langage du colonialiste. Elle était matheuse et capable de comprendre que la science et Dieu parce que c'est Dieu qui dit la vérité. Et en parlant et en riant avec les autres, il commençait à être un peu plus souple et de créer des relations avec une autre qui était dans l'atelier d'écriture, qui lui a donné les poèmes de Hal Alaj, traduits en français, où la voix vers Dieu s'exprime en termes amoureux en français. Parce que c'était... Et elle a lu ce livre. Et à partir de là, elle a enlevé sa burqa et elle s'est pas, il y avait, je donne cet exemple parce que c'était la crête entre l'avant et l'après, mais c'était tout le travail qui s'est opéré par elle et qui est passé par ce phénomène de la lecture du mystique arabe. Et elle est revenue à l'école, elle a fini son bac et elle a fait une formation de soignante. Donc on a au moins sauvé quelques-unes qui ne sont pas parties au djihad. Donc cet accompagnement de la personne qui mise sur le pacte social pour qu'il soit fait de diversité qui se comprenne est une dentelle, un travail dans le subjectif souffrant et ouvert. Mais je ne suis pas là pour donner des modèles sociaux, c'est pour dire comment on peut aider ceux qui sont en souffrance pour qu'ils ne se mettent pas à la marge et dans la mort. Vous avez dit que nous étions des multivers et que nous étions plusieurs. Vous êtes vous-même plusieurs personnes. Plutôt, vous avez plusieurs noms. Deux. Christeva, c'est mon nom de jeune fille. Et mon mari, qui s'appelle Philippe Solaire, c'est un pseudonyme. Nous appelons, son nom de famille est Joyot. Donc notre fils s'appelle Joyot. Des femmes autonomes et libres, j'en ai connu un certain nombre, comme ma femme, Julia, par exemple, et je suis ravi de l'avoir épousée. Ça fait 40 ans qu'on est mariés et qu'on est toujours en discussion. Elle s'appelle donc Joyot. Elle s'appelle Julia Kristeva et elle s'appelle Julia Joyot. Mon fils s'appelle David Joyot et moi je m'appelle à la fois Philippe Joyot et Philippe Solaire. Ça fait une petite batterie de noms qui sont très utiles à manier dans différents contextes. Par exemple, un jour, Lacan écrit à Julia Solaire. Oh, quelle erreur! Il n'y a pas de Julia Solaire. Il y a Julia Kristeva. Elle a son nom. Parce qu'elle a écrit son nom. Ça vous fait plaisir d'entendre la voix de Philippe Solaire, en tout cas Julia Kristeva. C'est intéressant parce que on imagine que pour un psychanalyste, il faut avoir une sorte de neutralité. Vous avez dit aujourd'hui en ligne, on peut regarder qui est notre psychanalyste et tout. Bah, est-ce que ça empêche pas le transfert que de savoir que Julia Kristeva est en couple avec Philippe Solaire, de connaître des éléments de la vie privée de son psychanalyste? Mais on connaît, comme vous le disiez quand j'ai soulevé ce problème, on croit connaître. Et ça, c'est le problème de notre société. Dans l'image, chacun a des images, chacun a son site. Le mien est très, très modeste parce qu'il n'y a que les articles que j'écris. Donc, je ne tweete pas, je ne raconte pas ma vie, etc. Mais je crée aussi des romans qui sont déchiffrables aussi sur le plan de mon intimité. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que dans cette évolution de la société, dans cette pseudo-transparence, mais qui existe quand même, on peut rester caché. Ah oui. Et néanmoins, il vaut mieux assumer une certaine visibilité. Je l'assume parce qu'elle existe. Je suis cette personne-là. Et ceux qui choisissent de venir chez moi sont peut-être gênés, n'aiment pas ça et ne viennent pas. Mais ceux qui trouvent quelque chose qui résonne avec leur propre libido et trouvent que je peux peut-être les guider dans le voyage en eux-mêmes sont les bienvenus. Tout ça pour dire que ce qu'on dit encore une fois, et aujourd'hui quelques spontanés et authentiques que nous soyons, vous et moi, est très différent de ce qui peut se dire dans le cadre analytique. Et parce que c'est un lieu à part, c'est un des lieux protégés de la société, c'est hors temps et hors jugement. Et à ce moment-là, on est dans l'onirique, on est dans le rêve, et dans la bêtise et dans la régression. Et c'est le néotène qui parle. Vous savez, pendant le confinement, on m'a donné un travail pour notre société parce qu'on a publié quelques grands moments de l'histoire de la psychanalyse et notamment le travail de collègues que j'ai connus, qui sont de la génération d'avant moi, Ilse et Robert Barrande, sur la perversion. Et j'ai fait un extrait de leur travail sur la perversion avec une introduction pour dire en substance que la perversion n'existe pas, mais nous sommes tous pervers, ou de la merversion. Et la merversion, c'est leur terme, mais je l'utilise aussi dans ma notion de la relation maternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous naissons, nous les êtres humains, inachevés. Ouais. Et dans cet inachèvement qu'on appelle la néoténie, on est dépendant, ce qui fait que l'altérité est coprésente à l'être. Et la parole s'est construite dans cette altérité des néotènes. Elle sera toujours dépendante est sujette à des abus, à des violences, mais aussi à beaucoup de désirs et à beaucoup d'absolus. Je retiens le mot de merversion. Restez avec nous, vous êtes venus avec vos trois livres de chevet que je vous ai demandé d'apporter. Avant cela, on va entendre une chanson que vous avez également apportée, c'est Ella Fitzgerald, Blue Skies. Pourquoi cette chanson? Parce que j'aime bien Ella Fitzgerald, parce que elle est toujours gaie. Là, elle a l'air de dire que les choses sont finies pour elle, mais elle le dit avec énormément de joie. C'est une sorte de Colette de la chanson. Et après, elle a inventé le scat jazz, ce qui fait, c'est la chair des mots. Oui, alors on écoute quelques secondes et puis après on vous entend parler de vos livres. Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sunshine so bright. Alors Julia Kristeva, il nous reste à peine 3 minutes, ça fait 1 minute par livre que vous avez apporté, donc vos livres de chevet ou vos livres préférés, je vous écoute. Quel est le premier livre? Le premier livre, c'est Le temps retrouvé. Ah oui, en moins d'une notre minute. Notre ami, voilà. Non, mais c'est en 2 minutes, je vais vous lire une phrase. Oui. On dirait que c'est écrit pour le confinement. Allez-y. Elle appelle pas ça confinement, mais on est emmuré. Et voilà ce qu'il dit. Là où la vie emmure, l'intelligence perce une issue. L'intelligence ne connaît pas ces situations fermées de la vie sans issue. Et encore cette phrase que tout le monde connaît, les idées sont des succès d'années de chagrin. Au moment où ceux-ci se changent en idées, ils perdent une partie de leur action nocive sur notre cœur. Et même au premier instant, la transformation, ce que je vise ouais. dans la psychanalyse, la transformation elle-même dégage subitement la joie. Magnifique. Non, et pas Christébien, celui-là. Proust Christébien, quel est voilà. le deuxième livre? Et le deuxième livre, c'est quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais qui est à l'ordre du jour. Ouais. C'est Dostoïevski et la pédophilie. Oui. C'est dans les démons, et c'est Stavrogin qui fait sa confession au Staré de Tikhon, où il raconte comment il a violé la petite Matryosha. Et Dostoïevski est allé, selon certains biographes et Gide CV porteur de ces racontars, il paraît que c'est pas vrai, mais moi je pense qu'il s'est mis dans la peau du violeur pour pouvoir écrire ce texte. Il est allé chez Turgenev, paraît-il, il a dit qu'il a violé une jeune fille. Turgenev lui dit, pourquoi vous me racontez tout ça? C'est pour vous dire combien je vous méprise. Mais l'idée, c'est de pouvoir parler de viol, comme d'enfant, donc de la pédophilie, comme le crime imprescriptible. On peut tout pardonner quand tout est permis, sauf ça. Bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas de Dostoïevski. Non, en effet, merci d'en parler. Et le troisième et dernier. Et le troisième, donc je quelques pouvais secondes. Pas, c'est le malaise dans la civilisation. J'ai parlé de la destructivité, de l'emmurement, et Freud insiste beaucoup là-dessus. Encore une fois, c'est une leçon pour nous. Les hommes d'aujourd'hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu'avec leur aide, il est devenu facile de s'exterminer mutuellement jusqu'au dernier. Et maintenant, et ça c'est quelque chose à quoi la psychanalyse tient beaucoup parce que c'est l'éros qu'on veut valoriser, et maintenant il y a lieu d'attendre que l'autre des deux puissances célestes, l'autre de la destructivité, et l'éros éternel tente un effort afin de s'affirmer dans la lutte qu'il mène contre son adversaire non moins immortel. On mettra en ligne les références bibliographiques des livres que vous venez de citer, Julia Kristeva. Merci infiniment d'être venue ce matin nous parler de votre travail. Merci à vous. Merci pour ce cours particulier qui inaugure donc une nouvelle série sur les chemins de la philosophie. Grandir, c'est croire. C'est un livre que vous avez coécrit avec Marie-Rose Moreau qu'on trouve chez Bayard. Et enfin, The Philosophy of Julia Kristeva. C'est en anglais, hein, publié par une maison d'édition qu'on trouve à Chicago, Open Court. Ce sont vos deux derniers ouvrages. On mettra toute la liste en ligne sur les chemins de la philosophie. Et on est très en retard, mais pas au point de ne pas remercier l'équipe de Chemin de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Manon de la Salle aujourd'hui avec Jules Barbier, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger réalise cette série d'émissions pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jordan Fuentes. On se retrouve lundi prochain pour la série sur le corps féminin qui avait été interrompue il y a quelques semaines à cause du contexte sanitaire. On n'était qu'à contact, on ne pouvait pas continuer les émissions. Elles reprennent dès lundi, donc lundi vous réentendrez l'émission sur la philosophie du clitéris et enfin on parlera d'utérus, des seins, des cheveux, le corps féminin qui sera non pas morcelé mais bien pensé pour vous. Donc lundi à 10h, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.